À l'occasion du 9e anniversaire de la publication de l'historique déclaration du 4 octobre, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des 11 mai 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des idées du jeté ont publié le 2 octobre une déclaration commune.